Donc voilà, aujourd'hui on a occupé les ACEDIC. Donc les ACEDIC, c'est un organisme qui gère l'assurance chômage et qui fait un gros qui est géré par le MEDEF, donc c'est le syndicat patronal, et un syndicat de salariés qui s'appelle la CFDT, et qui font des blocages systématiques sur les négociations, et notamment sur les propositions du gouvernement de modifier la réforme. Donc on s'oppose à cette logique. L'UNEDIC n'a pas à choisir d'une façon unilatérale comment elle gère les dossiers, et notamment l'assurance chômage. Elle procède d'une façon abjecte, en supprimant les cotisations, donc en supprimant les recettes, et en créant un déficit qu'elle met en scène, qu'elle organise, et à la suite de quoi elle décide de supprimer le déficit en supprimant les individus indemnisés de l'assurance chômage. Donc on s'oppose à cette logique absolument abjecte, et c'était la raison de cette occupation ce matin. Cet accord partiel fait par le ministre n'est pas un accord, c'est juste quelques propositions qui sont absolument pas satisfaisantes. Nous, on a fait état d'un certain nombre de propositions qui sont une et indivisibles, notamment l'instauration d'un calendrier d'expertise d'une base de données de l'UNEDIC, ainsi que l'ouverture de négociations. Il n'y a absolument rien de précis, rien de concret. On considère ça comme un effet d'annonce et on ne s'arrête pas à ces propos.